3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Nova, Nova, Nova. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. On est de retour sur KNF TV pour le programme hebdomadaire ou un petit peu plus. Et oui, parce que on va bientôt repartir. Donc c'est un programme de 2 semaines qu'on vous présente cette fois-ci. Toujours fidèlement accompagné par le Gaulois préféré de la Knicks Nation France, Choubix le Gaulois. Seb, comment tu vas? Eh ben écoute, nickel, hein. Nickel. Après un match de folie, tout va bien. Un match à rallonge, un match de folie, effectivement, une semaine de malade, effectivement. Je pense que les Knicks fans vivent leur meilleure vie en ce moment. Il faut en profiter. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais là, en ce moment, on est sur une vague. Waouh. Et donc, du coup, on va en parler. On va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, comme à chaque fois. C'était une semaine de 4 matchs. Il y a eu quelque chose aussi, 2-3 petites actus à côté. Et puis, comme c'est une semaine, un programme de 2 semaines, puisqu'on repart en voyage associatif, eh bien, il y a encore aussi pas mal de choses qui nous attendent sur le programme des Knicks. Donc on ne perd pas plus de temps, on lance le jingle et on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, c'était une très bonne semaine pour l'association, une très bonne semaine pour les Knicks, une très bonne semaine pour la chaîne KNF TV, parce que oui, ça y est, on a sorti la vidéo officielle du KNF Mecatrip, KNF Mecatrip édition 2K23. La vidéo officielle est sur la chaîne, vous arriverez à la retrouver facilement. Que vous ayez participé au voyage ou pas cette saison, eh ben, on vous propose quand même une petite vidéo, tout est relatif, deux matchs sur lesquels on a pu assister au Madison Square Garden. Et quand je vous dis qu'on a vibré, et ben il y a quelques séquences où on voit bien comment on a vibré sur ces matchs. C'était le match contre le Heat, on vibre toujours contre le Heat, j'ai l'impression. Et le match contre les Clippers, même s'il y avait une défaite, il y avait quand même de beaux petits moments partagés entre adhérents, entre Knicks fans. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil d'aller sur la vidéo. On remercie encore une fois tous les partenaires qui ont pu se joindre à nous sur cet événement, ce premier événement de voyage associatif de la saison. Alors que ma caméra a un peu de latence. Et donc, du coup, voilà, c'est le souvenir, les souvenirs de cette saison, de ce voyage à New York. Sachant que y a un prochain voyage qui s'annonce, le KNF Road Trip 2023 en Californie, Los Angeles. On part jeudi, donc je pense qu'il y aura aussi de quoi faire une belle petite vidéo au retour. Donc voilà, ça c'est l'actualité de l'association, c'est l'actualité de la chaîne YouTube. Voilà, on a commencé à le dire, on est de bonne humeur, on est de bonne ambiance, mais comme à chaque fois, parce que les Knicks en ce moment, ils nous régalent. Fini les phases de déprime, fini les phases de dépression, fini les phases de on troll les Knicks, on cherche des solutions, qui est-ce qu'on saute dans l'effectif, dans le front office. Non, en ce moment, les Knicks enchaînent les victoires, et du coup, il y a une sorte de, good mood en ce moment, good vibes, qui n'arrête pas de durer, et étrangement, on voit un petit peu des retournements de veste. Certains s'annoncent un peu fans d'Enix. On a vu Rick Ross, le rappeur de Miami, habillé tout en orange and blue. Ça fait plaisir, Rick Ross. et les gens rejoignent le wagon Enix parce qu'en ce moment, ça gagne. Parce qu'en ce moment, l'équipe performe, l'équipe se montre bien dans le classement de la conférence Est, voire dans le classement de la NBA au sens large. On est maintenant une équipe top 8 de la Ligue, qui l'aurait cru il y a quelques temps. Et du coup, voilà, des petits discours qui changent un petit peu dans la façon dont les observateurs au sens large apprécient les Knicks. C'est marrant, n'est-ce pas, Seb? Tout de suite, quand l'équipe a la hype, surtout dans une ville comme New York, ça attire, quoi. Donc, actuellement, on n'est pas... Actuellement, on marche bien, on n'est pas la risée de la NBA et donc ça attire du monde, quoi. Ça fait révéler des, des supporters historiques de 2 semaines. Voilà. Qui ressortent leur jersey de Frank Ntilikina. Oups, pardon. Non, voilà. Non, mais en tout cas, voilà, on en profite, on est content. En ce moment, l'équipe est, comme on dirait là-bas, légitime. Ce n'est plus une équipe sur laquelle on se moque lorsque il y a des faux pas. Et en même temps, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de faux pas. On va pouvoir y Et revenir dessus. dans le classement général de la ligue, on a gagné une place. On est 7e désormais. 7e à l'heure où on enregistre, c'était resté sur la place de 8 et on est 7, On top a 7, c'est fou quand même, on c'est a fou. passé les incroyables Sacramento Kings. C'est dire, une autre équipe qui fait une sacrée saison et qui retrouve une certaine forme de légitimité dans la ligue. Après, les Knicks, voilà, il y a eu le faux pas la saison dernière, mais il y a 2 ans, le fameux We Here fait que, Ça sera quoi voilà, ça? l'équipe... Oui, Oui, here again, je sais pas, je sais pas. re-ir. On n'a pas encore le slogan de la saison. On avait le slogan de la saison il y a 2 ans, le We Here. L'année dernière, c'était Bing Bong, mais ça fait vite flip-flop, hein. Cette saison, on n'a pas encore. Il y a le fameux W de la victoire Oui, fait par, d'IQ. par IQ qui ressort assez souvent en ce moment. Et nous, bientôt, ce W, on va le transformer en W de la West Coast. Bon, j'ai un peu mal aux doigts, donc je ne vais pas forcer dessus. Mais bref, tout ça pour dire que ouais, belle période. Je pense que avoir autant de séries victorieuses pour les Knicks au sein d'une même saison, c'est pas arrivé souvent. On a Et déjà d'ailleurs. plus de victoires que la saison dernière. Voilà, et c'est pas fini. Et c'est pas Et c'est fini. pas. Et il reste 16 matchs. Et il reste 16 matchs. Jusqu'où on va aller? Jusqu'où on va aller? Je vous demande. Vous avez fait peut-être vos pronostics en début de saison pour dire bon, on voit à peu près tant ou tant. Moi, j'étais monté au grand max jusqu'à 44. Là, on est Et on est arrivé à une qu'à. 40... Et mine de rien, 39, pardon. on n'est plus qu'à 2 victoires justement de la saison 2020-2021 où on avait fini à 41-31. Mais bon, Qui était une saison c'était plus amputé. courte. Ça m'a Ouais, voilà. toujours amputé. Mais potentiellement, on peut avoir plus de victoires aussi qu'à ce moment-là. Donc bon, c'est pas. Donc c'est dire, voilà. Donc là, les Knicks en ce moment régalent sur le terrain, régalent sur les réseaux sociaux, régalent dans les médias où il y a une attention très précautionneuse maintenant quand on parle des Knicks. C'est marrant. On entend moins parler des vannes, on entend moins parler de rotation à 9 joueurs, on entend moins parler de Tom Thibodeau qui est un vieux coach ou pour lequel il faudrait des idées jeunes. Bref, il y a des choses, voilà, des arguments qui ont disparu. Je sais pas pourquoi, mais j'aime cette période en tout cas. Oui, Bon, bah, cette belle. t'inquiète pas. Ça reviendra, on le sait, on le sait, on sait qu'au moindre premier pas, ou quand les victoires arrêteront d'arriver en série, ou quand peut-être une post-saison se terminera un peu trop vite, les gens ressortiront les couteaux, hein. Bah forcément, On le sait, on le les sait. gens maintenant ont beaucoup d'attentes parce que l'équipe régale, elle a un jeu chatoyant où ben, ça score, ça court, c'est vrai que ça gagne. Donc forcément, ça. Mais même si ça ne gagnait pas. Ça jouait toujours bien, enfin, ça jouait, ça, même dans les défaites, on s'est jamais fait défoncer en fait. Et ben, Il forcément, y a eu ben, quelques matchs, il y a eu quelques matchs, mais ça arrive dans une saison et ça arrive pour toutes les équipes. mais enfin, les Donc blowouts, cette saison, pour nous concernant, hein, dans la peau de celui qui perd, il n'y en a pas des masses. Hein, on s'est pas fait éclater, il n'y a pas beaucoup de matchs où on s'est fait éclater, tu vois, de 20 points. Enfin, moi, je n'ai pas trop souvenir cette saison où on s'est fait éclater. Où on a perdu de peu, ouais. Où on a perdu par rapport à un rebond, oui. Mais des grosses raclées, genre, j'ai pas le souvenir. C'est pour ça que cette Nuggets, équipe, Bucks un peu au début de saison, mais voilà, c'est finalement ouais, voilà, c'est des ça. choses qui arrivent, et puis sur 82 matchs. Ouais, on n'en a pas eu. Tu vois, enfin. Je trouve que bah, l'équipe est solide et l'équipe court. Enfin, je veux dire, maintenant, on a un jeu en transition, je trouve, qui est plus. C'est pas l'habitude de Thibodeau, quoi, de jouer en Ah non, transition. clairement, c'est pas. Il y a Thibodeau, on parle de ses problèmes d'ajustement parfois. Bah, il faut quand même noter que. Bah Tom Thibodeau, mine de rien, il a une équipe qui est dans les meilleures offensives de la Ouais. saison. Bah, donc Ah ouais. Ah oui, c'est un peu le monde carrément. à l'envers. Après, c'est aussi la NBA moderne. On sait que ça va vite aussi, qu'on joue beaucoup sur le 3 points. Mais en ce moment, effectivement, l'équipe performe. Et puisque l'équipe performe, et puisqu'on part en voyage pour aller la voir, on n'oublie pas que au retour de notre KNF road trip, il y a une viewing party. Oui. KNF viewing party. Il y a le flyer dans l'autre côté, voilà, qui est affiché depuis un petit moment avec les W de la victoire. Donc, on espère que ça sera encore une viewing party victorieuse. La première de la saison, enfin de la saison, de l'année civile, pardon, 2023 était victorieuse. face aux Detroit Pistons, bon, facile diront certains. Là, c'est contre les Denver Nuggets. Oui, oui, les Knicks s'étaient imposés à Denver au match aller. Là, match retour au Madison Square Garden. Donc, c'est le samedi. Attention, c'est pas un dimanche, c'est le samedi 18. Ah, non, il était pas là, mais c'est pas grave. Maintenant, bah, n'importe qui. Il n'y avait pas Gordon. Je sais plus, en tout cas Jokic n'était pas là, ça c'est certain. Bref, mais en tout cas voilà, 18 mars, samedi 18 mars, à partir de 17h30 pour une viewing party qui commencera à 18h. Petit changement d'adresse, donc vous regarderez sur le flyer, vous regarderez sur le site web, il y aura toutes les informations. On vous donne rendez-vous parce qu'en ce moment, quoi de mieux que de vivre des matchs Lennox ensemble. On sait qu'on vibre en voyage, on sait qu'on vibre en viewing party. Donc c'est le moment de nous rejoindre. Il restera une dernière viewing party derrière pour la saison régulière. Parce qu'après, il y aura peut-être des choses. On verra, on verra. Mmh. Bon voilà, en tout cas, save the date, comme on dit. Et puis dans les petites actus autrement à vous balancer, avant de revenir sur les matchs, il y a eu quelques petits changements dans l'effectif. Hein, quoi, qu'est-ce qui se passait? Bon, non, c'est pas Derrick Rose qui a demandé son buy-out. Derrick Rose, il va rester au Knicks jusqu'au bout. Il n'y a jamais vraiment pensé à un buy-out de Knicks cette saison, donc tant mieux. Même s'il est appelé de temps en temps par le public du Garden, on verra combien de temps on le revoit, combien de fois on le revoit réellement sur le parquet. Mais non, on a une signature. Alors, c'est un two-way contract. Faut voir ce que ça vaut, faut voir combien de temps ça dure. Est-ce que c'est plus pour un move, on va dire, pour le training camp prochain, l'été prochain? Donc c'est Dwayne Washington Jr. qui jouait aux Phoenix Suns auparavant. Bon, un petit move comme ça, ça arrive. C'est pas non plus ça qui va révolutionner les Knicks sur la fin de saison. Puisque globalement, l'effectif est en place, les rotations sont en place. Et les joueurs sont pas trop blessés, donc tant mieux. Pas trop blessés, même s'il y en a un qu'on n'a pas vu sur le dernier match parce qu'il était touché à la cheville. Par contre, on l'a beaucoup vu au mois de février. Qui ça? C'est Jalen Brunson. Et oui, ouais. Jalen Brunson qui avait été snobé du All-Star, faut le dire. On a déjà parlé du All-Star, on ne va pas revenir dessus. Mais il n'a pas été oublié par, les instances dirigeantes de la Ligue, puisqu'ils ont ni plus ni moins décidé de le désigner joueur du mois dans la conférence Est. Face à qui? Face à Nikola Jokic, qu'on retrouvera donc le 18 pour la viewing party. Jalen Brunson, ben Knicks du mois, ça n'était pas apparu depuis Julius Randle, la fameuse saison du We Here. Donc ça, c'est un petit événement en soi, c'est aussi une belle récompense, parce qu'il y avait quelques candidats forcément en face, mais ça récompense quand même un mois où il tourne à plus de 27 points, 6 passes de moyenne et à 52% au tir, des pourcentages affolants. Et puis un mois de février aussi où les victoires elles étaient largement supérieures aux défaites. Hein. Un bilan de 8-2, 9-2 même au moment où ça a été attribué ce titre de joueur du mois. Donc une belle récompense et mérité. Il le mérite. Après, moi je pense que la NBA a fait peut-être un petit lot de consolation pour Jalen Brunson. Dans le sens où ben, tu as des Bucks qui étaient invaincus pendant cette période-là avec un Giannis stratosphérique. Mais je pense que quand même, ils se sont dit, bon, allez. Les Knicks marchent bien. Jalen Brunson, il a été mis de côté alors que, bon, clairement, il fait une saison de All-Star. Je veux dire, lui, il y est alors que DeMar DeRozan y était, alors que DeRozan y était ou d'autres. Donc, je pense il ne le démérite pas. Mais je pense que la NBA lui a fait aussi peut-être un petit lot de consolation en disant, bon voilà, ouais. Désolé. Giannis, alors j'ai pas regardé ses stats sur le mois, mais un joueur du mois ou de plus ou de moins. Bah, oui. Ils ont récupéré le titre de coach du mois avec Budenholzer, ouais. Pardon, à l'Est. Mais voilà, en tout cas, Tom Thibodeau après, a eu quelques nominations. Évidemment, moi je suis très heureux qu'il ait eu... Qu'il ait eu ce titre. Joueur du mois, c'est pas rien, hein. c'est pas rien du tout. Clairement, il a changé notre franchise, quoi. Depuis qu'il est arrivé, il a changé notre équipe. C'était les briques au fur et à mesure. Il y a eu Julius Randle, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a eu Julius Randle il y a 4 ans. Il y a lui maintenant. Au fur et à mesure, ça s'imbrique et puis ben, ça commence à donner quelque chose de sympa. Et je veux dire, depuis 4 ans maintenant, alors oui, il y a eu la première saison, c'était un peu compliqué. On va en play-off, l'année dernière, plus compliqué. Cette année, il y a une construction, il y a un chemin. Exactement. On a des jeunes qui s'épanouissent. Donc non, non, on est sur le bon chemin et le fait qu'il ait été désigné joueur du mois, ça vient couronner aussi un très bon travail sur le mois de février, quoi, de la franchise. Tout à fait, tout à fait. Un JB en forme, un JB qui est beaucoup sollicité. Et du coup, une semaine où on avait 4 matchs au programme. On l'avait dit la semaine dernière, le programme était costaud, était dense, parce que ce n'était pas des petites équipes. C'était des équipes avec lesquelles on était à la lutte pour les playoffs, voire ouais. Des équipes qui étaient classées devant les Knicks. La double semaine, confrontation ouais. Face à Boston, voilà. On avait parlé d'un avantage. J'avais parlé d'un avantage psychologique à avoir sur eux. Eh ben, on va en reparler. Première réception donc de la semaine passée au Garden, au Madison Square Garden, pour qui, enfin pour réception de qui, des Celtics. Et un match, alors voilà, je suis encore resté sur le tout dernier match face aux Celtics chez eux, mais le premier match, déjà, ça permettait de poursuivre la série de victoires. C'était pas forcément évident, c'était pas forcément garanti. Il n'y avait pas Jaylen Brown, mais il y avait Brogdon, il y avait Robert Williams, donc une équipe de toute façon des Celtics, même si elle marche un petit peu à deux temps en ce moment, qui était quand même à prendre au sérieux, qui était classée une ou deux encore sur le moment au niveau de la conférence Est. Donc voilà, un adversaire. Il y avait un duel mano à mano pour le sixième homme entre Brogdon d'un côté et Quickly de l'autre. Tout à fait. Donc voilà, un match dans le match et finalement un match que les Knicks ont assez vite bien démarré. Pas mal de défense, une adresse qui pour le début voilà met un peu de temps à se mettre en place. Grosse défense. Mais avec ouais. Un Julius Randle aussi qui à chaque fois fait partie des joueurs qui marquent le plus dans les premiers quart-temps, qui met les Knicks sur de bons rails. Et aussi, voilà, les rotations. Est-ce qu'il faut encore reparler de l'importance de Mitchell Robinson, surtout dans ce match, ou de Quickley, ou de Josh Hart? Non, maintenant vous savez, la saison elle est lancée, elle est installée. Josh Hart, il est invaincu. On a eu quand même un petit fait de jeu dans ce match. C'est Jason Tatum qui a perdu un petit peu son sang-froid. Alors on aurait pu s'attendre à voir ça d'un Julius Randle parce que voilà, il était coutumier du fait et entre autres la saison dernière. Mais non, Jason Tatum, il parle, il n'est pas content et les arbitres n'apprécient pas. Deuxième technique, merci, au revoir. Et Josh Hart qui lui montre le chemin pour retourner au vestiaire. Énorme, ce moment-là, il est génial. Et puis, bien le droit, voilà, c'est là-bas. Donc, ami créateur de mèmes, vous étiez servi. Non, un super match, un bon petit passage de Obi Toppin aussi. Et puis, un match accroché quand même, parce que voilà, les matchs face aux Celtics, même si cette année, cette saison, on les gagne plus qu'on les perd, c'est des matchs qui sont disputés. Donc finalement, c'est une équipe qui, entre guillemets, plaît bien, réussit bien à New York. Et ça démarrait bien la semaine. Et puis il y avait, le premier quart-temps était fou parce que bon, ils n'avaient pas d'adresse et on les maintient à 15 points, c'est-à-dire leur plus faible de la saison. 15 points sur un quart-temps face à une équipe comme Boston qui fait partie des meilleures équipes offensives, c'était assez. C'est une belle performance, ouais. Et le dernier quart-temps, pareil, on les maintient à moins de 20 points. Donc non, c'était un match qui sentait le play-off, c'était un match qui sentait le soufre. Ça a défendu le plomb, ça a joué dur. Mais de toute façon, c'est l'identité aussi de l'équipe de Thibodeau, c'est ça. Hein. Tous les coachs qui passent derrière après en conférence de presse disent ouais, enfin, on se fait taper quoi, enfin entre guillemets, on se fait tabasser. C'est un jeu physique. Ah ouais. C'est un jeu intense parce que du coup, il y a quand même une présence défensive. Il y a des trous d'air par moment, il y en aura tout le temps. Hein. Si on prend 48 minutes de match, forcément, il y a des moments où on peut passer à côté. Sûr. Surtout face à des équipes qui ont un jeu plutôt assez léché, assez construit de la part des Celtics. Et Josh Hart qui se colle parfaitement à cette identité. Quoi. Tout à fait. Je pense que c'est dans ce match-là où il se jette dans le public pour aller soulever un ballon et tout, à deux pas de Spike. Donc voilà, il fait communion parfaite avec le public, avec l'équipe. Il a trouvé sa place, son rôle, et voilà, et il est imbattu. Est-ce qu'il a un collier d'immunité dans son short? Je ne sais pas, mais... T'as l'impression qu'il est là depuis le début de la saison, en fait. Le Nova, c'est ça, en fait. Il colle tellement au truc. Tu sais, en début de saison, il y avait un autre joueur de Villanova que j'aurais bien aimé qu'on signe, qui était agent libre, qui était Dante DiVincenzo. Il était agent libre et moi j'aurais bien aimé qu'on l'ait parce que justement il avait un peu ce truc-là de Free Andy. Et petit, puis petit quand même. Ouais, mais ouais. Ah, mais dans le profil, dans le profil un petit peu dans le profil un petit peu, on va dire, un peu teigneux. Bon, on avait Ryan Archidiacono qu'on a laissé partir. Il y a un certain Michael Bridges qui fait fantasmer beaucoup, beaucoup de personnes. Mais voilà, effectivement, mais, ouais, c'est un joueur qui colle parfaitement. Josh Hart, magnifique. Josh Hart, magnifique. C'est, voilà, comme je disais, c'est pas ce gars-là. On l'attend pas, ce qui nous marque 15-20 points ou quoi que ce soit. Mais on attend, en fait, sa défense dure. Et d'ailleurs, c'est lui qui joue les fins de match. Avec Quickly, c'est lui qui joue les fins de match. Parce que Thibodeau n'est pas dupe, il a bien vu. La défense est plus dure et plus rugueuse quand les deux sont associés, quoi. Et il peut être une menace offensive puisqu'il sait slasher, puisqu'il sait également shooter à 3 points. Et lancer franc, c'est pas trop son truc. On a globalement un problème collectif au niveau des lancers francs. Ça pourrait nous coûter des matchs par moment, donc il serait bon d'arriver un peu à régler et je sais pas si le curseur pour un peu plus d'adresse à ce niveau-là. Mais en termes de plus-minus, depuis sa signature, c'est le joueur avec la meilleure note depuis qu'il a signé Onyx, quoi. Il est à plus 71 et après, bon, derrière, il y a des gros noms. Hein. Mais c'est le mec qui est en haut du classement, quoi. Donc, c'est... Non. Moi, Josh Hart, c'est magnifique, quoi. Il arrive en fin de contrat. Je crois qu'il a un player option, mais qui va sûrement... Il n'y a pas trop d'inquiétude Si on l'a fait venir, c'est qu'il y a une ego et... qui doit rester, quoi. Mais voilà, comment ne pas apprécier ce type de joueur qui donne corps et âme pour l'équipe. C'est et le corps entièrement, il l'a donné effectivement en sautant dans les gradins. Et puis voilà, il est fun à voir jouer et il joue avec le public et c'est parfait. Public réception match avec le City Edition pour la réception des Nets. Bah ouais, les Nets orphelins de leur diva, de leur star. Voilà, il y avait le quatrième acte également cette semaine. Bon, qu'est-ce qu'on dit? On va parler vite fait de ce match-là. On va pas non plus tirer sur une ambulance, mais on leur a mis la fessée. Hein. Ouais, première mi-temps, on les décolle. Et puis après, deuxième mi-temps, on était en cruise control, quoi. C'est-à-dire que la première mi-temps... Plus de 70 points inscrits en première 81, mi-temps. 81 à la mi-temps. Voilà, on les a éclatés et après derrière la deuxième mi-temps, voilà, c'était vraiment du contrôle, c'était tranquillou, voilà quoi, il y a pas eu de surprise, quoi. C'est... Alors là, il y avait un appel à Derrick Rose pour finir un match. Là, bon, non, on l'a pas revu. C'est du blowout. Derrick Rose a pas eu le droit de jouer, lui. Il est reparti d'ailleurs. J'ai pas trop compris. On a vu les premiers points de Trevor Kills. On a eu Trevor Kills, le rookie qui est arrivé, qui a eu le droit à ses petites minutes de jeu quand même sur la fin. Mais voilà, un blowout et une semaine qui continuait bien. Mais on a. Là, j'étais bien. Là, à ce moment-là, j'étais bien dans mon prono. Je ne sais pas si tu te rappelles. J'avais dit, on tape Boston et on tape machin. Et après, bon, on tombe en régime et on perd. Là, c'était... Voilà. Là j'étais bien, mais bon. Et puis, globalement, et puis... on s'est trompé tous les deux sur le prono. Moi, je pensais que Boston était plus fort. Désolé, bah voilà, c'est les Knicks qui sont plus forts cette saison. Et puis après, bah, on allait se déplacer à Miami, en Floride. Et là, voilà, c'était... Non, moi, on s'est déplacé. Je suis sûr qu'on s'est déplacé, on jouait pas à la maison. On peut se demander parfois. Il y avait beaucoup de supporters des Knicks et qu'on a beaucoup entendu à Miami. Hein. Comme quoi, hein, les fans des Knicks sont partout. Je le dis souvent, je le répète, il y a des preuves. Hein, voilà. Quand on nous dit qu'il y a beaucoup de touristes au Madison Square Garden, il y en a forcément. Mais quand je vois les chants pour les Knicks à l'équipe, dans la salle de Miami. Voilà, La vidéo où Josh Hart est sur la ligne des lancers francs là, et que ça chante Let's Go Knicks, là, incroyable. incroyable. Et alors ce match, cet acte 2 face au Miami Heat, parce que voilà, Miami Heat était juste derrière les Knicks dans le classement. Voilà, il était très très important. Alors les Knicks s'étaient imposés d'rien, on s'en rappelle, puisque c'était lors du KNF Mechatrip. La vidéo est sur la chaîne. Regardez donc, je vous le dis, ça c'est jouer à un rien. Et ben là, on rebelote un match intense, du combat, vraiment atmosphère, ambiance playoff, avec un Jimmy Butler sur le coup qui était vraiment, vraiment très présent, un Bam Adebayo qui a quand même de sacrés atouts et qui peut donner la vie, mener la vie dure aux Knicks. Première mi-temps plutôt discret, hein, 4 points, et puis troisième quart-temps, il enchaîne les paniers sur paniers, et voilà, inarrêtable le garçon. Donc ça a été un match disputé, ça a été un match relevé, ça a été un match où il fallait pas être cardiaque. Quickley encore très bon, Brunson qui se fait la cheville, mais qui revient, Qui revient. qui revient, qui est un dur au mal, on le sait. Et puis cette fin de match, on va tout de suite aller sur la fin de match. Au rayon des dingueries, on en a Alors, vu. Oh. Cette fin de match, alors ouais, le panier de Jules Il est est panier, il est panier, fantastique. parce qu'à un moment, il va avant la Ouais, non, mais ultime action. si on parle des Il a dernières cherché un minutes de end-one. seconde où on est mené de 1 point et puis on parle de ces dernières 20 secondes. Alors, moi, il y a plusieurs choses, si tu veux. C'est que là, à ce moment-là, je me suis dit, OK, les dieux du basket sont avec nous. Déjà, d'une, on a Brunson qui veut jouer vide, qui veut jouer vite. Il reste 21 secondes et il veut être. Heureusement, enfin, il est bloqué, là, parce que la défense du Heat, là, ils ont mis les barbelés. Je ne sais pas pourquoi il veut marquer aussi vite, en fait. Il met beaucoup d'intensité au lieu de manger du chrono. On est mené que d'un point, je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref. Donc, déjà, là, à ce moment-là, il est à deux doigts de perdre le ballon. Il la passe à Julius. Julius qui part dans ses œuvres, qui perd, qui regagne, qui reperd le ballon. Enfin, je veux dire, et puis il y a ce shoot, Alléluia, Alléluia, à 3 points. Il jette le Énorme, ballon énorme, énorme, énorme, et ça énorme. fait Et le mec 8, quoi. était déjà à 40 points et il va te mettre le 3 points, Ah non, le 3 points, c'est. la Ça gagne. te Donc avec la célébration, avec le coup de clim et magistral fait. sur la salle du Heat, Et après, derrière, un mode. voilà. Et après, derrière, un boule de bowling dans son carré où il renverse tout le monde, même Thibodeau. Un Il petit bodo et tout. passe dedans. Je suis sûr qu'il a même pas senti qu'il l'avait écrasé tellement que c'est Non, non, injuste. après, voilà, il y avait l'euphorie de l'équipe aussi. Et voilà, ça sera un moment important de la saison. Voilà, c'est Ah des moments où, bah voilà, c'est qu'un match, c'est un game winner, oui. Il en a mis quelques-uns dans sa carrière, pas énormément, il s'est beaucoup loupé, ça là-dessus, oui. Mais voilà, c'est un moment important. Et puis voilà, il était rincé, il était cuit. Jalen Brunson qui vient faire la collade avec le fiston tu aussi lui fais en le fin de gros match. câlin, quoi. Le sauveur, et le sauveur, The et le sergent. Et c'est beau, et finalement, on voit aussi que bah, la fanbase, elle pardonne à Julius. Julius, Bien sûr. il est pas loin de faire perdre le match, parce que voilà, il limite une perte de balle, il force et tout, et on sait, il y a les prises à deux, et c'est compliqué. Ça a toujours été compliqué avec Julius. Surtout Mais il te qu'il perd met le ce ballon, buzzer beater. Oh la là là. séquence, juste avant là, où il perd le ballon aussi. Là, tu fais non, tu laisses pas maintenant, pourquoi? Et puis voilà, non, mais on marche. En ce moment, Faux, on faux. a tout. En ce moment, des fois, tu sais, c'est ce qu'ils appellent le momentum. C'est que actuellement, on l'a avec nous, quoi. Et on a On l'a l'impression que avec nous et ça continue. Et ça continue. C'est ça qui est quoi qui fou, se quoi. passe, ça, mais que quoi qu'il se passe, en fait. Ça va tourner en notre faveur. Alors tant mieux, parce que des fois ça marche pas comme ça. Mais là actuellement ça tourne en notre faveur. Et au meilleur des moments, c'est-à-dire que c'est dans le dernier quart où c'est là où on a besoin d'un push, Sur ce et c'est là que ça se playoff passe. push, que les Knicks se retrouvent à enchaîner les Ah victoires. ouais. Et donc la semaine se terminait, et moi j'avais peur de ce match au Aussi. TD Garden à Ouais. Boston. Et là en plus, quand on nous dit, bon, bah, Jalen Brunson, il est touché à la cheville, il va se reposer. Bon, j'ai dit, ok, il y a IQ, voilà, on sait qui va le remplacer, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, il manquait un peu de monde aussi côté Boston, faut le dire. Il n'y avait pas Robert Williams, il n'y avait pas Malcolm Brogdon, donc ça, tant mieux. Par contre, il y avait Jalen Brown, un GB, un autre GB, et puis Jason Tatum. Et Et puis voilà, il avait perdu. rotation à 8 chez eux. Faut l'indiquer, parce qu'on parle souvent des rotations de Tom Thibodeau. Visiblement, il n'est pas le seul à avoir des rotations courtes pour faire confiance à ses joueurs. C'est un peu de circonstance aussi, parce qu'il y avait des blessés. Mais voilà, et là, au rayon des matchs ambiance playoff, on est pas mal aussi. On a un Ah ouais. duel qui va durer 48 minutes, mais 48 minutes, c'est pas assez quand on aime ce genre de match. Il a fallu non pas une, mais deux prolongations pour aller au bout et pour désigner un vainqueur. Et s'il y a un nom de joueur qu'il faut sortir dans le lot, bah c'est Quickley, quoi. Quickley a été phénoménal. Lui aussi, il va falloir Donnez-lui. passer à la caisse et le payer à la fin de la saison. Laurence, si tu m'écoutes, donne-lui ce qu'il veut. Laurence, Donne-lui l'argent. donne-lui l'argent, donne-lui ce qu'il veut. Il veut 25 millions, Tu. tu lui mets 25 patates, faut pas hésiter. doucement. 17, d'accord. Max 17. Écoute, on va prendre l'argent de Derrick Rose, qui est le mentor, écoute, et on va le donner à Derrick Rose. On a potentiellement cet été quasiment 30 patates à libérer, parce que Evan, il va sûrement être dumpé quelque part. Et On verra pour Evan, mais en tout cas pour Derrick. Et Quickly, ça s'arrête. Et Derrick Rose, ça va s'arrêter là. Donc on a l'argent. En plus, je veux dire, c'est un joueur drafté qu'on prolonge. Donc on a les droits beurre, donc on peut lui proposer ce qu'on veut. On s'en fout. Donc Il faut pas passer à la caisse. La luxurie sur la Q. Non. À un moment, quand t'as une équipe qui joue le titre, faut savoir payer la luxurie. Non, mais ce mec-là, depuis le début de la saison, est tellement important. Bon, là, voilà, évidemment qu'on est sous l'euphorie parce qu'il a été très fort. Mais faut voir déjà depuis. Ça fait 20 matchs. Les 20 premiers matchs de la saison, j'avais fait un petit truc là-dessus. Les 20 premiers matchs de la saison, il tourne à moins de 10 points avec des pourcentages assez dégueulasses. À l'issue de ces 20 matchs, il tourne à plus de 14 points avec des pourcentages très sérieux. Et c'est surtout, bon, il s'est recadré offensivement, mais c'est surtout sa défense. Sa défense, hier, il compte Tatum, quoi. Donc, c'est. sa défense avec Josh Hart, les deux là. Ce sont des pitbulls qui te mordent les mollets, ils te lâchent pas. Et IQ, il a vraiment step up défensivement. Et maintenant, il peut jouer des deux côtés du terrain. Alors ouais, ok, d'accord, c'est un petit gabarit, mais qui est tellement rapide, qui est surtout intenable. Les défenses adverses ont du mal à freiner IQ, et tant mieux. Alors on peut aussi noter sur ce match que RJ Barrett a plutôt pris ses responsabilités en début de rencontre, et c'est très bien parce que en l'absence de Brunson, fallait aller chercher du scoring. Il a fait un bon premier quart, ouais. Voilà, on a un Julius qui nous fait du Julius. Il y a eu de la perte de balle encore, il y a eu des fautes. C'est bêtes. Julius, c'est... Il y a eu une technique de prise, voilà, mais on a besoin de lui. Il met ses lancers francs à un moment. Et la technique. Pourquoi tu sais que les arbitres... Ah bah, tu sais quand tu vas aller frotter les arbitres physiquement, ça va pas passer. Tu lui dis, mais non, je lui ai mis un petit coup d'épaule comme ça. Tu le sais. S'il y a une ligne à pas franchir en NBA, c'est toucher physiquement les arbitres. Et ça, là-dessus, oui. Voilà, ça pouvait que lui tomber dessus. Donc voilà, quand il y a eu, voilà, c'était un match encore accrocheur tout du long, avec un Marcus Smart qui n'arrêtait pas de lastiquer et tout. Il aurait pu se prendre sa deuxième technique et se faire expulser. Et un Derrick White qui flopait à tout va. Alors, le roi du flopping, hein, Toto. mais voilà, un super match. Un Tatum, un Brown qui ont choqué un peu en fin de match. Hein. Ça avait du mal à rentrer les shoots. Il forçait à 3 points, ça rentrait pas. Et tant mieux. Double prolongation. Voilà, c'est que dire, et effectivement. Pareil, hein, tout réussi au Knicks en ce moment. Un Tatum dans l'overtime qui choque un peu quand même. Hein. Oui, c'est ce que je viens de dire. Il avait plein d'occasions de plier le match, des shoots ouverts. Un Horford qui fait je sais plus combien de minutes à 40 balais. Voilà, donc sur le temps de jeu, c'est très très long. Les Celtics se retrouvent en back-to-back. Non, mais tu vois, Horford, ça reste 20 points, 14 rebonds, 2 contre, à 6 sur 10 à 3. C'est encore hyper précieux, très très très bon, mais attention parce qu'il risque de le payer physiquement à enchaîner des matchs comme ça. Et on a encore Mitchell Robinson qui est encore en double-double, quoi. Il y a encore un double-double. Très bon dans son registre. On va beaucoup plus le chercher, je trouve. Bah, disons qu'il a été dominant au rebond offensif. Au lancer franc, c'est toujours compliqué. Il met les lancers francs qu'il faut en fin de match, et tant mieux parce que ça se joue sur des détails, et on en laisse passer beaucoup de points sur les lancers francs, donc c'est ça aussi qui nous met dans la difficulté. C'est un match qui, limite, peut se gagner à la fin du temps réglementaire. 68% là, c'est franc. 68% sur la match. Là-dessus, voilà, il y a une crainte, il faudra pas se mordre les doigts quand les matchs deviendront serrés, ils le sont déjà, mais voilà, il y a encore une marge de manœuvre, une marge de progression de l'équipe sur ce secteur. Bon, tout ça pour dire, euphorie, 4-0, on n'arrête plus les Knicks, on est sur 9 victoires d'affilée. Est-ce qu'on va faire la passe de 10? Bah, moi j'ai envie de dire, il va falloir qu'on regarde ça par rapport au programme, quoi. On est sur un 16-4 sur les 20 derniers matchs. Qui sont ces Knicks? Non, pardon, pas 16-4, 4, 14-6. Qui sont ces Knicks quand même? Qui sont ces Knicks? Mais 14-6, c'est quand même énorme. c'est énorme et ça arrive au bon moment. Et est-ce que ça va durer? Bah moi, je te propose de regarder ce qui arrive par rapport aux Knicks parce que c'est pas une, mais deux semaines qu'il va falloir qu'on sur lequel on se projette. Et on était déjà à côté sur le prono pour une semaine de 4 matchs. Donc là, on va parler de 6 matchs. Alors, on regarde tout de suite le programme. C'est costaud, c'est copieux. C'est ensoleillé, c'est un peu à l'extérieur. On va regarder tout ça. Allez, c'est parti, on regarde California Love. Ce qu'il arrive sur le programme des Knicks. C'est parti. Alors, encore un sacré programme. C'est copieux, c'est plutôt en road trip. Et ça, les road trips, bah, finalement, nous, on aime bien. Parce que voilà, ça correspond au deuxième voyage associatif de la saison. C'est une première. On avait déjà eu l'occasion de faire un petit road trip lorsqu'il y avait eu le match à Londres il y a 3 saisons de ça déjà, que le temps passe vite. Là, cette fois-ci, on va aller voir jouer les Knicks ailleurs, à l'extérieur, en Californie, à Los Angeles, la fameuse Cité des Anges. Donc pour voir le back-to-back, parce que ce sera un back-to-back contre les Clippers et les Lakers. Donc ça, c'est au programme de notre semaine, et oui, de notre quinzaine même. Et donc du coup, on n'enregistrera pas de vidéo. Seb, je te verrai pas, dommage. Ça te fera des vacances. Ça te fera des vacances un peu. Mais voilà, on essaiera de vous donner des nouvelles, et puis au travers des réseaux sociaux, comptez sur nous pour vous inonder d'inside et de vous faire partager un petit peu ces good vibes avec un groupe qui va être sympa, ça c'est sûr et certain. Alors, au programme de cette quinzaine, on a quoi avant de partir sur la côte ouest? Un petite réception dans la nuit de mardi à mercredi des Charlotte Hornets. Bon, ça, normalement, les Charlotte Hornets, hein, quand t'as battu Miami, les Nets, les sans Celtics, la tout ça, bon, sans la Mello qui a encore blessé, normalement, sauf faux pas, ça doit se prendre, même avec un Jalen Brunson qui peut se reposer encore, qui peut se ménager un peu. On va faire nos pronostics après, mais voilà, en tout cas, c'est pas l'affiche la plus compliquée. Par contre, derrière, déplacement, et puis pour commencer, déplacement dans la capitale fédérale. Oui, c'est la capitale fédérale, Sacramento, capitale de Californie. Une équipe qui surprend, qui surprend cette saison. Mais un Julius Randle qui aime bien toujours jouer contre le fiston Sabonis. Ouais. J'allais dire Arvidas, non, le fiston Domantas. Est-ce qu'il va démonter Domantas? On verra. mais on en tout cas, voilà. On joue chez eux. Est-ce qu'ils vont allumer le fameux laser là? Light the beam. On verra. Voilà, en mode Star Wars. Ça va être intéressant parce que finalement, c'est l'équipe de Californie qui est le mieux classée, la meilleure équipe de Californie. C'est pas les Warriors, c'est pas les Clippers, c'est pas les Lakers, c'est les Sacramento Kings. Oui. Alors cette saison, ça joue bien, ça joue mieux, c'est respectable. Il y a du talent à différents postes. Premier, mais... ils sont premiers de leur division. Hein. De leur division, ouais. Devant Phoenix, ouais, c'est ça, Golden State. Devant Phoenix aussi. Ouais, devant Phoenix. Ouais. Ils sont dans la même division que Phoenix. J'oubliais Phoenix. Effectivement, j'ai énuméré les équipes, mais j'en oubliais une, c'était les Phoenix Suns. Donc c'est fou, mais ça sera, voilà, effectivement, peut-être le plus gros morceau de ce déplacement californien, allons savoir. Peut-être. Et puis derrière, bah, donc le double header, enfin la double affiche en back-to-back, d'abord les Clippers, il y a une revanche à prendre sur le match précédent, hein. On y était, c'était une des affiches du KNF Mecha Trip, décidément, donc on retrouve la French Night, la French Night Heritage en plus. Ouais, French Heritage Night, qui a été un peu, voilà. Batum a été à l'honneur. Oui, par un Batum. Il nous a un peu cassé le délire. Mais bon, les Clippers avaient dominé sur cette rencontre-là. Ils l'ont pas volé au final, même si on aurait aimé un hold-up à la fin de la part des Knicks. En tout cas, voilà, il y a peut-être revanche à prendre. Il y a un Russell Westbrook qui est arrivé là-bas et on a des Clippers qui ont du mal à se trouver un bon rythme. Donc, à voir. J'espère qu'il n'y aura pas de load management parce que je préfère voir une vraie opposition avec une équipe au complet. Bah, déjà que LeBron... effectivement, sur la deuxième affiche contre les Lakers, on aurait aimé voir l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, peut-être pour certains le meilleur joueur de tous les temps, en tout cas le meilleur scorer all time. Il ne sera pas de l'affiche parce qu'il s'est blessé contre les Mavs. C'est dommage. Alors, pour la petite anecdote, j'ai déjà eu l'occasion d'aller une fois au Staples Center voilà, pour voir un match des Lakers. Et c'était juste après que Kobe se blesse à l'épaule. Et j'avais vu Kobe en bout de banc, en civil. Donc, dégoûté, j'ai jamais eu l'occasion de le voir. Et là, bah, LeBron, il nous fait l'équivalent, mais au niveau de la cheville. Donc, j'espère qu'il lui arrivera pas de mal. Ça fait quand même, ça fait quand même deux grosses coïncidences, hein, c'est bizarre. Ouais, ouais, ouais. Après, c'était pas premier match, c'était pas un match des Knicks, mais voilà. Donc du coup, une double affiche. Là, il y a pas LeBron. On a des Lakers qui se cherchent, qui sont à la lutte pour attraper un spot de play-in. Ouais. Ils voudront battre les Knicks, mais les Knicks sont durs à battre cette saison. Donc, et ça pourrait finir par un beau résultat, on va dire, dans la Cité des Anges. Et puis derrière, un déplacement. Quelques jours plus tard, dans l'Oregon, chez les Blazers de Lillard et Cam Reddish. De Kylakam Kylakam, Kylakam qui fait ses petits matchs, mais qui n'a pas autant de résultats qu'un Josh Hart, qui est pour le moment, à l'heure où on enregistre cette vidéo, invaincu. 9 victoires consécutives depuis que Josh Hart est là. 9 victoires consécutives pour les Knicks. Donc, qu'est-ce qui va être invaincu jusqu'à son retour dans l'Oregon? On le verra, mais ça va faire du coup une petite affiche sympathique. Une affiche sympathique, d'autant qu'on a un Lillard qui sait prendre feu. Hein, il nous a encore scoré 71 points il n'y a pas très longtemps. Donc, il faudra se méfier. Dans une défaite dans, non, non, c'était dans une victoire. C'était une victoire, c'est une victoire. Ouais, quand même. Okay. C'était quand même une victoire. Mais voilà, en tout cas, on sait qu'ils ont. Oui, c'était contre le Magic. Menace. Oui, possible, je sais plus. Mais en tout cas, 71 points. Un mec qui met 71 points, faut toujours se méfier. Le Magic ou les Rockets, je sais plus. Bref, c'est pas grave, c'est pour eux. C'est pour eux. Et pour finir la quinzaine, ça sera un retour à la maison, un retour au Madison Square Garden. Le samedi 18, n'oubliez pas, c'est la date de la viewing party pour la réception des Nuggets. Donc voilà, ça va faire une quinzaine avec 6 matchs. C'est jamais évident de pronostiquer 6 matchs parce qu'il peut se passer beaucoup de choses, parce qu'il peut y avoir des blessures, parce que le niveau de forme peut varier. En tout cas, on a une opposition qui est peut-être un peu moins rude sur le papier. Peut-être, hein, faut voir. Tu te lances le premier, je me lance le premier sur le prono? Comme tu veux. Allez, bah, je me lance. Bon, le back-to-back Angelinos, faut le prendre. Hein, rien à faire. Il faut prendre sa revanche contre les Clippers. Les Lakers diminués, faut le prendre. Et puis la KNF sera là. Donc j'ai envie de voir deux victoires pour pouvoir flex tranquillement en Californie. et que le reste du séjour soit sur de bonnes ondes, de bonnes vibes. Après, enfin avant plutôt, les Hornets, ça doit se prendre. Sacramento, c'est là où... C'est là où je sais pas. Est-ce que les Knicks vont relâcher? Eh ben non. Pour moi, je vois aussi une victoire contre Sacramento. Mmh. Donc moi, je vois que la série de victoires, ça va faire 10, 11, 12, 13, 13 victoires consécutives. On s'emballe. Alors là, préparez-vous sur les réseaux sociaux, ça va être une dinguerie. Moi, j'annonce que ça monte jusqu'à 13. Par contre, dans l'Oregon, je sais pas, chant le coup de moins bien, le coup de fatigue. Et voilà, une défaite. Pourquoi? Je sais pas. Une défaite. Mais on se reprend sur la viewing. Donc voilà, donc pour moi, sur ces six matchs, j'annonce un 5-1. Voilà, grosse ambition, grosse vibe, grosse confiance. C'est mon pronom. Ça y est, c'est lancé, quoi. Ça se trouve, je vais être à côté de la plaque. En même temps, on sort d'un 4-0, on sort de 9 victoires. Qu'est-ce qui peut nous arriver maintenant? C'est vrai. Non, mais c'est alors vrai. Alors toi, surtout... Seb. Ben, c'est vrai que là, quand on voit la semaine qui nous attendait, on a affronté des concurrents directs, des concurrents pour le play-off, des têtes d'affiches de conférences. On sort avec 4-0. Place à aller chercher. On sort de 4-0. Évidemment que là, on a le plein de confiance. Le plein de confiance va toujours être là, évidemment. Sur les 6 matchs, on en affronte quand même 3 qui ne sont pas dans la zone play-in. C'est-à-dire que quand même, on affronte Charlotte qui n'est pas dans la zone play-in. Les Lakers ne sont pas dans la zone play-in. Et Portland qui n'est pas dans la zone play-in. Après, évidemment, voilà, on affronte Denver, qui est la meilleure équipe de la NBA. Bon, c'est quand même très fort. Et après, les Clippers, Sacramento, pareil, hein, qui est troisième de conférence. C'est nous, mais en violet, quoi, de l'autre côté. Et les Clippers, qui est une interrogation. Pour moi, les Charlotte Hornets, voilà, on pousse la série à 10. Les Hornets sont l'étape. Après, moi, j'ai peur... De ce road trip, j'ai peur de ce road trip en Californie, tu vois, parce que moi, j'ai pas peur. Celui qui a peur est un peu heureux. Non, les Sacramento Kings, moi je pense qu'on le perd celui-là. Je pense que ça met fin à notre série, qui sera déjà belle, hein, 10 matchs. À un moment donné, elle va se finir par s'arrêter, cette série. Exactement. Et je pense que quand ça va s'arrêter, moi je vois sur la semaine, alors t'as vu, là je vais être l'oiseau de mauvais augure. Je vois trois défaites consécutives en Californie. Oh là là. Quatre défaites avec les Denver Nuggets. Et donc un 2-4. Un 2-4. On tape Portland parce que Portland c'est pas bon, quoi. Parce que Portland c'est pas bon et que Charlotte c'est pas bon. Mais on perd contre les Lakers. Ouais. Aïe. Je les ai vus jouer hier, hein, contre. J'ai regardé hier le match contre Golden State. Et Anthony Davis est quand même très fort. Et puis ils ont autour d'eux des mecs qui savent mettre le ballon au fond du panier. Évidemment, c'est quand même moins fort que ce qu'on vient d'affronter là actuellement. Hein. Mais je pense qu'il va une défaite va y avoir peut-être un petit relâchement, tu vois. Parce que c'est vrai que c'est beau ce qu'on fait, mais on va pas tout gagner. Et on va pas faire des séries comme ça tout le temps. On peut aller jusqu'au match 7 des finales NBA, mais oui, à un moment on en perdra, quoi. Mais je pense que là on tape. Je dis Charlotte. Ça, je le crois pas. Je pense que là on tape Charlotte, qu'on va avoir trois séries de défaites parce que les Clippers aussi c'est en train de se mettre en place là. Bon, alors, ils ont tapé Memphis amputé de Ja Morant qui joue avec des pistolets, donc bon. Qui s'est mis au vert dans le Vercors parce que visiblement il a des soucis entre le XO et les pétards. Il faut qu'il se calme un peu, quoi. Pépère, lui, le bang, il le prend au sens propre du terme. Alors aparté, je vois que beaucoup en fait font le parallèle entre lui et Gilbert Arenas. Ça n'a rien à voir. Arenas, il avait amené des pétards, et son collègue Crittenton, là, je crois que c'était ça, ils ont amené des pétards dans le vestiaire. Chargés dans les vestiaires. Dans le vestiaire, et ils s'étaient menacés avec. Là c'est bon. Que un délire de soirée, quoi. C'est pour faire les gangsta et tout. Alors, c'est pas bien. C'est que sur Instagram. C'est tout aussi bête, pour rester poli. Après, est-ce que c'était un vrai ou pas? Bon, on ne sait pas. Mais il a exhibé, voilà, ce machin, surtout avec la polémique qu'il a qu'il aurait menacé une gamine et tout. Enfin bref, idiot, sa célébration sur un 3 points où il fait seulement tirer. Bon, idiot, on est tous d'accord, il est idiot. Mais le parallèle avec Arenas n'a rien à voir. Eux, ils avaient ramené des flingues, ils s'étaient menacés avec un coéquipier dans le vestiaire. Donc bon. Ça avait été beaucoup, beaucoup plus loin. Bon, ça avait été pour l'aparté. La minute policière, faites entrer l'accusé. mais voilà, donc, et puis Denver, c'est quand même très fort. Je vois un 2-4, mais potentiellement un 3-3. Voilà. Mais je vois un 2-4. Bon, allez, je peux au mieux mettre un 3-3, mais je m'arrête. Ok, c'est ton dernier mot. Attention. C'est mon ultime bafouille. Très bien. Bah, vous avez des pronostics, donc dites-nous en commentaire ce que vous voyez pour cette semaine. 5-1 en mode super optimiste, mais on en relâche un quand même. Ou un 2-4 en mode réaliste, pessimiste, je ne sais pas. La vérité, c'est peut-être entre les deux, on ne sait pas. J'ai eu un moment d'absence. Moi, je gagne jusqu'à Denver jusqu'à... Non, mais Denver, on l'éteint. Non, oui, bien sûr, oui, pardon, oui. Oh, pardon, non, mais tu me dis ça, oui, bien sûr. Attends, la meilleure équipe de la ligue, mais attends. Je veux dire, quand tu bats quasiment Boston chez eux deux fois dans la semaine, enfin bon, pourquoi pas, tu peux pas gagner. Oui. En viewing party, l'effet viewing party, il y a un petit truc en plus. Bon, ça dépend, parce qu'il y a eu l'effet cœur, il y a eu l'effet curse aussi, hein, donc... On verra. En tout cas, voilà, il y a un playoff run, il y a une ambition, en tout cas, il y a une équipe qui tourne très bien, Josh Hart, qui est fraîchement arrivé, mais qui a trouvé sa place, bah, il le dit, lui, il dit, on parle pas de faire un run pour aller en playoff, on parle de faire un run en playoff, pas bah, pour y aller, oui, on va y aller. Là, les probabilités, selon Basket Référence, sont à 99, je sais pas combien. Oui, les Knicks vont arriver en post-season. Il y avait un mois de ça qui disait que le play-in était acquis. Bon, là, le play-in est archi acquis. En plus, j'ai l'impression que Chicago a baissé les bras. C'est en train d'éclater dans tous les sens. Maintenant, alors, même si on n'est pas quatrième ou cinquième, mais je pense quand même que la, qu'on est en train de s'assurer minimum la sixième place. Là, on est en train de s'assurer minimum. Et se qualifier directement en play-off en début de saison, bien malin celui qui l'aurait dit, parce qu'on était tous presque d'accord en disant « Ouais, allez, 8-9, notre range, 8-9 par là, 7-8-9, 8-9. » C'était surtout du 8-9 qui ressortait. Et là, on est en train de déjouer tous les pronostics, quoi. Bah là, avec cette dynamique et puis avec d'autres équipes qui ont plutôt tendance à marquer le pas, y a eu aussi les moves à la trade deadline des Nets qui font que bah, eux, forcément, ils redescendent. Ah, ça a chuté, c'est normal. Ils seraient restés au complet, ça aurait été plus compliqué d'arriver à garder cette place. Mais effectivement, là, on parle de pourquoi pas aller chercher la quatrième place, bah, pourquoi on était, pas aller défier les Cavs. Prédisait un retour du Heat. Bah, le Heat, même si les matchs ont été accrochés, même s'ils ont encore... encore de belles armes à faire valoir, ils sont toujours derrière, ils ont du mal à ben le Heat, on leur pique la place, parce que même si, imaginons que le Nets avait gardé leur deux stars, bon, ils seraient peut-être remontés un peu vers Cleveland. Donc, mais nous, on avait piqué quand même la place, qu'on était surtout en bagarre avec Miami, et on leur a piqué la place. Donc, quelque part, oui, là maintenant, Brooklyn, c'est en train de descendre. Le truc, c'est que Miami, ça ne gagne pas non plus. Donc, ça, c'est bon pour nous. Et puis voilà, on est en train de faire ce trou là dans ce spot là 5-6, de faire ce trou là et je pense que ce trou là on va le garder. Alors 5 ou 6e, pour moi la 4e place ça va être compliqué quand même, mais 5 ou 6e, moi les deux me vont, je serais quand même super heureux qu'on aille là. Après, c'est vrai qu'au niveau du tirage, si on doit se projeter, c'est sûr que la 5e place serait quand même un peu mieux, parce qu'on aurait, ben, on choperait le 4e, donc Cleveland, plutôt que d'aller chercher Philadelphie, qui sera peut-être un peu plus compliqué. Mais attention, mais de voir si Boston ne glisse pas et ne se fait pas passer par Pierre Philadelphie. La saison n'est pas finie, pardon. Il va y avoir encore pas mal d'affiches intéressantes. Voilà, et ça va être passionnant, et on va vibrer, et ça c'est certain. Donc, en voyage, en viewing party, sur les réseaux, continuez de nous suivre parce que je pense qu'on a encore de bons moments à vivre et la saison va se prolonger au printemps et ça va être cool. Et au rayon des choses cool, ça peut aussi parler de awards. Il y a forcément, comment il s'appelle, Jalen Brunson, je l'oublie parce qu'on l'a pas vu sur le dernier match, c'est fou ça, qui est pourquoi pas dans la discussion au MIP, ça on verra. Mais il y a un autre joueur sur lequel, enfin, Brunson en avait parlé la semaine dernière. Là, cette semaine... Ouais. Quickly, est-ce que ça va aller chercher? Je t'avais suggéré comme ça, je t'avais dit. Et Emmanuel Quickly en 6e. Oui, mais on regardait un petit peu pour chaque épisode, pour chaque émission. Et Emmanuel Quickly en 6e. Il y avait une tendance. Il y a un vrai dossier. Il a mis un gros dossier sur la table avec cette victoire face au Boston Celtics. Donc à voir si Brunson est encore un petit peu sur la touche pour jouer contre les Hornets et si on fait confiance à Quickley. À voir si Quickley n'est pas cramé parce qu'il a eu un temps de jeu de fou. Heureusement, le match n'est pas en back-to-back. Ouais, c'est quand même un jeune qui a quand même bien la tête sur les épaules, qui est quand même bien sain. Non, mais c'est vrai. Malgré son côté un peu fanfaron et tout, c'est ses célébrations qui sont comme ça. Moi, il me fait rire quand il marque ses 3 points là. Hier quand il y a faute là, qu'il monte comme ça le truc pour dire non, mais voilà, parce que c'est un gamin qui se régale sur le terrain, qui se régale à jouer. Mais il est pas arrogant, il est pas, tu vois. Et puis c'est pas le mec qui a des histoires extrasportives ou quoi que ce soit. C'est, enfin, je le sens un type bosseur, parce que s'il est arrivé là, c'est pas pour rien, c'est qu'il, enfin, je veux dire, avec un Tom Thibodeau qui aime les besogneux, quoi. C'est ça. Est-ce que tu vois, parce que là on dit beaucoup, mais est-ce que sa carrière était la même s'il n'était pas passé entre les mains de Tom Thibodeau? Peut-être pas. Donc non, c'est un jeune gamin que t'as envie d'aimer, quoi. Que tu le vois jouer, quand tu le vois, il est hyper fun, comme tu dis, à regarder. Il est alors des fois, oui, il a des excès de gourmandise. Quand ta première intention, il monte la balle, boum, il tire à 3 points, tu fais oh Emmanuel, là t'avais envie de te faire plaisir. Mais en même temps, tu ne peux pas lui en vouloir parce qu'il donne tellement sur le terrain. Il donne tellement. Enfin, c'est pas possible, quoi. Moi, j'attends qu'il le signe. Moi, je on l'adore, IQ. J'attends qu'il re-signe cet été et je me fais péter son jersey. Je veux le jersey d'Emmanuel Quickly. Ah, effectivement, moi j'ai dit sur les réseaux que ça y est, j'allais craquer pour le jersey City Edition de cette saison en Julius Randle parce qu'il fait une saison qu'il le mérite. Et voilà, ça fera mon deuxième jersey de Randle dans la collection. Mais le Quickly, je pense que c'est le prochain parce que là, effectivement, il régale. Encore faut-il que tu restes à New York parce qu'attention, effectivement, ça va peu donner de l'argent. Je crois que c'est pas lui qui décide à ce moment-là. C'est pas lui qui va décider, mais en tout cas, voilà. Non. S'il y a un petit titre de sixième homme de l'année, je pense que ça serait juste récompense. Si on peut papoter comme ça, je pense que s'il y en a un qui aurait peut-être plus de soucis à se faire pour partir, Obi. Tu vois de qui je parle? Obi, mais Grimes aussi. Ah, Grimes aussi. Parce que je pense que là maintenant qu'on a Josh Hart qui est Grimes, mais en plus vétéran, en plus sûr, en plus hargneux, on l'a vu d'ailleurs que ces minutes, il joue plus les fins de match, c'est fini. C'est Grimes, c'est Hart qui les joue. Et je pense que maintenant on aura peut-être moins d'hésitation à mettre Grimes dans un package. Pour quelqu'un plutôt que Quickly. On verra, chaque chose en son temps, au même titre que l'opposition playoff, on va la voir dans quelques dizaines de matchs. Moi, c'est mais mon avis. Effectivement, sur les dossiers de l'été, on n'en a pas trop parlé. R.J. Barrett, il y a eu un article qui a été publié par Kevin, qu'on salue au passage. R.J. Barrett et le flan coco. Voilà, vous n'aurez pas la recette du flan coco, mais vous aurez peut-être la recette pour comprendre pourquoi R.J. Barrett est un peu en difficulté. Pourquoi R.J. Barrett est un flan coco ? Non. Donc tout ça, c'est sur knicksnationfrance.com. Il y a à lire un bon gros article bien détaillé, bien illustré, qui va bien au-delà des justes stats affichées. Oui, voilà. C'est une analyse complète. J'avais vu un truc que tu avais partagé sur Twitter avec quelqu'un qui avait dit « Oui, mais regardez, tu barrettes, il a scoré tant. » Il ne faut pas regarder les stats brutes. Les stats brutes, ça fausse tout, c'est débile. Oui, chacun son appréciation, effectivement. Mais oui, d'accord, mais il faut regarder au-delà des stats brutes. Il faut regarder déjà d'une le ressenti que tu as en match. Et ce ressenti que tu as en match, souvent, se ressort, et ça, je l'avais déjà parlé sur d'autres vidéos, en stats avancées. Et… Il faut pas s'arrêter en se disant « Ah, ben regardez, il a marqué quand même 19 points de moyenne sur les 5 derniers matchs, à 35% à 2 points, machin, et puis il prend tant de rebonds. » Non, il faut regarder au-delà, il faut regarder l'impact que ce joueur a sur le match. Tu vois, par exemple, hier, en effet, il fait un premier carton de folie, mais encore une fois, au fur et à mesure que le match passe, il disparaît. Il s'efface. Il disparaît. Et au final, on voit la feuille de match, on fait « Putain, il a marqué 29 points !» Mais parce qu'en fait, il a été très bon sur la première partie du match, et après, au fur et à mesure, et ça a disparu. Et je trouve que défensivement, il n'y est plus. Souvent, il a 2 mètres de retard sur son gars. Après, il a aussi des clients costauds à défendre. Il a eu du Jimmy Butler, il a eu des Patrick cette semaine. Il apprenait moins dans ses premières saisons, il apprenait moins. Et donc, du coup, on vous propose un article sur le blog de l'association. Lisez l'article, il est très bien. Voilà, c'est un point de vue. Ce n'est pas la vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue. Non, mais c'est détaillé. Dans le sport, dans le basket. C'est pas un charme. Mais voilà, ça permet de comprendre le cheminement et aussi l'appréciation qu'on a vis-à-vis de R.J. Barrett. Après, tu as évoqué rapidement Quentin Grimes. Il a été très bon sur, je ne sais plus quel match, là, dans la semaine. C'était peut-être contre les… Brooklyn. Contre les Nets. Où il marque 20 points, il a une réussite insolente. Il avait le poignet en feu, mais voilà, c'était un match dans la semaine. Derrière, effectivement, il était un peu plus discret, même si il a toujours ses bonnes qualités. Tout ça, on verra. Effectivement, il y aura de nombreux dossiers à arriver et à attendre l'Enix cet été pour l'intersaison. Et il y a des joueurs qui se seront mis en avant et qui se seront mis en valeur. J'oublie pas, on va bientôt terminer cette émission, il y a un gros programme, donc j'oublie pas de vous rappeler la viewing party samedi 18 à 17h30, je bafouille, pour revoir la victoire pour voir la victoire, je vous spoil, désolé, face aux Nets, aux Nuggets. Oh là là, Pourquoi tu nous je le dis? Je la refais, je la refais. Non, mais je sens ça que je le regarde maintenant ce match, quoi. Non. Mais voilà, pour passer encore un bon moment ensemble au niveau de l'association, que vous ayez fait les voyages ou pas, que vous soyez sur la région parisienne ou un peu en province, bah, n'hésitez pas à monter, c'est sur un samedi. Nouvelle adresse, donc voilà, nouveau lieu, on va découvrir ce lieu ensemble et on va surtout passer un bon moment ensemble. Donc ça, c'est le samedi 18 mars à partir de 17h30. Voilà, et ben ça fait une grosse émission, ça fait un gros programme. La KNF repart en voyage. On est super content de pouvoir expérimenter ce road trip, découvrir la Californie, Los Angeles. On va vous ramener. Ah, vous allez vous éclater, hein, ça va être sympa. Hein. J'espère que la météo sera plutôt clémente parce que c'est pas si terrible que ça en ce moment en Californie. Ah bon ? C'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive, on va kiffer, on va supporter les Knicks et puis bah, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, même deux semaines. On vous retrouvera d'ici deux semaines pour débriefer tout ça, pour vous parler un peu du voyage. Peut-être que on vous fera une petite vidéo from LA. Peut-être, peut-être. Donc, n'oubliez pas d'activer la cloche, le fameux pouce, on s'abonne, tout ça, tout ça. Et puis on vous dit à très bientôt. Je donne rendez-vous à un certain JC, Jean-Christophe. Je sais que t'es déter, t'es toujours présent sur les épisodes et tu vas être présent avec nous à Los Angeles. Donc peut-être ah, c'est cool. on te verra de l'autre côté de l'écran pour un petit coucou, peut-être, c'est ton jeune. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Et puis, bah, kiffez. Let's go, Knicks! Let's go, Knicks! On continue! À très bientôt, Seb! À très bientôt! Salut, bon voyage! Bon voyage! Merci! Yo! Vers l'infini et l'au-delà! Ouais, ouais. Bon, bah. Enfin, Californie, quoi. Bah, Ouais, ouais. On va se mettre à l'ouest. Allez, à très bientôt. Let's go, Knicks! Portez-vous bien. Et puis, qu'on gagne un max de matchs. Allez, à bientôt. Ciao, ciao!